revoir, ma petite Anglaise d'Italie. Tu dois aller rejoindre tes parents aujourd'hui. Avec toi, j'ai passé les plus beaux jours de ma vie. Ciao, ciao, amore mio.